Chapitre 11. On me donna ensuite un roseau servant à mesurer, semblable à un bâton, et l'on me dit, Lève-toi et mesure le temple de Dieu ainsi que l'autel, et compte ceux qui adorent dans le temple. Mais laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux païens qui piétineront la ville sainte pendant 42 mois. J'enverrai mes deux témoins habillés de sacs, et ils annonceront le message de Dieu pendant ces 1260 jours. Les deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et il détruit leurs ennemis. C'est ainsi que doit être tué celui qui cherchera à leur faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps où ils annoncent le message de Dieu. Ils ont également le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils ont encore le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le veulent. Quand ils auront fini de proclamer leur message, la bête qui sort de l'abîme les attaquera. Elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville, là où le Seigneur a été cloué sur la croix. Cette ville est appelée symboliquement Sodome ou Égypte. Des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux de la mort de ces deux hommes. Ils s'en réjouiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes auront causé bien des tourments aux habitants de la terre. Mais après les 3 jours et demi, un souffle de vie vient de Dieu et entre en eux et ils se relèvent. Tous ceux qui les voient sont saisis d'une grande crainte. Les deux prophètes entendent alors une voix forte leur dire du ciel, « Montez ici !» Ils montent au ciel dans un nuage pendant que leurs ennemis les regardent. Au même moment, il y a un violent tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'écroule et 7000 personnes sont tuées dans un tremblement de terre. Les autres gens sont remplis de peur et rendent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, mais attention, le 3e va venir bientôt. Puis, le 7e ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient, « Le pouvoir de régner sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera pour toujours. » Les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu tombèrent le visage contre terre, et adorèrent Dieu en disant, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, nous te remercions de ce que tu t'es servi de la grande puissance et de ce que tu t'es mis à régner. Les nations étaient remplies de fureur, mais le moment est arrivé où ta colère va se manifester et où les morts vont être jugés. Le moment est arrivé où tu vas accorder la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et à tous ceux qui t'appartiennent et te craignent, qu'ils soient grands ou petits. Le moment est arrivé où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. » Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit alors, et l'on vit le coffre de l'Alliance dans son temple. Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.